Tiré de contes du pays gallo d'Adolphe Forain, les éditions de l'Avenir présentent Le Cheval Géant. Le père Boursin, charretier, était autrefois au service du village de la rivière Bizet, dans la commune de Bruse. Ce serviteur, un matin de novembre, alla chercher, pour les conduire au travail, les trois chevaux de son maître qui avaient passé la nuit dans une pâture. Arrivé à l'échalier du champ, Boursin vit les trois chevaux qui l'attendaient. Il les attacha les uns aux autres par la queue et monta sur le premier qui avait l'habitude de le porter. « Je ne croyais pas ce cheval si grand !» pensa-t-il en lui-même, car il lui avait fallu grimper sur le haut de la barrière pour pouvoir enfourcher la bête. La pluie était tombée les jours précédents, et dans le chemin creux qu'il suivait pour entrer au village, les chevaux avaient de l'eau jusqu'au poitrail. Tout à coup, au beau milieu de la mare, le cheval que montait Boursin lui fondit entre les jambes et le charretier tomba dans l'eau. Ce fut avec beaucoup de peine que le bonhomme s'arracha du bourbier. Qu'on juge de sa surprise et de sa frayeur lorsqu'il vit un petit nain assis sur le revers du talus qui lui dit en ricanant « T'es bien là, dépatouille-toi !» Boursin chercha ses chevaux et n'en trouva plus que deux qu'il amena à son maître en lui contant son aventure. Ce dernier, alarmé par la perte de son cheval, dit à son domestique « N'as-tu pas rêvé? Retournons ensemble dans la pâture, voir ce qu'est devenue la bête. » Ils s'y rendirent et aperçurent le cheval qui paissait tranquillement dans un coin du champ. Hervé plaisanta son charretier, qui lui jura ses grands dieux qu'il avait monté un cheval géant qu'il avait jeté dans la mare. Conté par Fine Daniel, fermière au village du Hou, dans la commune de Bruse.